Page 49. Activité 2. Écoutez, répétez et dites si la voix monte ou descend à la fin de chaque question.